politiquement correct, on s'aime bien. On s'aime pas quand on se laisse, l'amour c'est rien. L'amour c'est rien, c'est rien, c'est politiquement correct.